manière de parler, façon de voir, angle de vue, vue de l'esprit, tout se résume à un cri devant le flagrant du délit. La femme nue, l'enfant qui pleure, l'esclave officiel ou le méconnu, manière de donner, façon d'avoir, se prêter des intentions mais ne pas rendre ses devoirs, maigre victoire, visage en berne, moi je prétends que ce monde n'a rien de moderne, mais Dieu sait que c'est Dieu qui l'a dit, que c'est Dieu qui l'a fait. Mais personne ne l'a vu, personne ne le sait. Et si l'art est la manière et plaisir la devise, dis-moi ce qui nous retient et ce qui nous divise. Tu ne m'entends pas, on ne s'entend pas, je parle même. Un autre pourquoi, cet infini qui se profile, serait-ce notre fin en soi? Mais Dieu sait que c'est Dieu qui l'a dit, que c'est Dieu qui l'a fait. Mais personne ne l'a vu, personne ne le sait. Si l'ego est la manière et l'oubli la devise, je sais ce qui nous retient, ce qui nous divise, tu ne mens.